En direct des studios de C'est Fou 89.1 FM à Trois-Rivières, c'est les Palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 7 au 13 septembre 2007. Je m'appelle Mathieu Plante, bienvenue dans une nouvelle saison. Palmarès, c'est fou, maintenant version de 2 heures au lieu de 3. On raccourcit un petit peu, tout ça pour faire un concentré de la meilleure musique que c'est fou a à vous offrir. Cette semaine, on a quelques nouvelles entrées, hein? Quelques nouvelles entrées de Pépé, d'Alexandre Champigny, de New Pornographers, de The Old Soul, Figurines, Hot Springs, mais on commence par la 15e position francophone. Voici à l'instant Terry Lee Combs et Jack in the Box. Au Palmarès, c'est fou, au 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. In the walls around us. full of honey. But if you look down, I will float away. You may have the rooms that go in my tummy. Forever our lucky day. Avec Head Rush en 15e position anglophone. Justement, c'était la 15e position francophone. Oui, bonjour. Bonjour, hey, salut. Hola. J'allais ne pas te présenter tout de suite et attendre que tu finisses ce que tu avais à dire. Mais... Que je finisse ce que j'avais à dire. 15e position francophone. Ben oui, mais c'est parce que, attends, là, ça fait 4 mois que je suis pas venue ici, je suis un peu mêlée, là. C'était Tara Lee Combs avec ben Jack oui. in the Box. Ben bien sûr. Nouvelle entrée en 15e position francophone. Et la voix sensuelle que vous venez d'entendre, c'est celle de Cynthia Paquette-Grenier qui effectue un retour après, quoi, 4 mois, tu disais? Oui, mais depuis la fin de la session En avril. Oui. On s'est ennuyé de toi. Oh, c'est gentil. Tellement vous de vous. Belle équipe. Écoute, le duo de l'enfer qui revient. Ouais. Mais avec les nouveaux collègues que tu as eu cet été, que je ne connais point, mais que je connaîtrai. Je vais te les présenter tous. Tu vas voir, ça va être c'est une belle gang. Oui. De gentilles personnes. Je n'en doute point, mon cher. Je suis entouré de bonnes personnes. Et là là. On s'en va entendre tout de suite. On va entendre, tiens, pourquoi pas dos à dos. Nos 14e et 13e positions des deux côtés, c'est des nouvelles entrées. On va l'entendre, entre autres, Figurines avec Childhood Verse en 14e position anglophone. Du côté francophone, à la 13e position, on retrouve Pépé avec Mais qu'est-ce que tu fais là, pardon? Mm-hmm. Et puis du côté anglophone, la 13e position sera You Are Gold avec The Old Soul qui nous chantera cette merveilleuse pièce. Mais tout de suite, voici Alexandre Champigny et je vais m'hypnotiser en 14e ouais! position francophone. C'était, ça ressemblait à ça, je pense. À peu près. On va faire des petits tests de diction pendant que les chansons jouent. Okay. Ça te va? Oui, j'aime ça, parfait. C'est bon. On se fait des tests. Voici tout de suite nos 13e position. On commence par le côté francophone. Avec Pépé et... Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Bâtard! Sois pas lui. Ah, je sais, je suis vulgaire. Bon, je suis connu comme étant un gars très vulgaire. Oui, effectivement. Je parle tellement mal. C'est pas grave, on va écouter Pépé et on va oublier ça. Ah! Oh oui, comme ça, les gens vont passer. On... We'll be right back.

Ça va très bien, vous, ça va bien? Ça va super bien, enchanté de te parler comme ça. Enchanté, moi aussi. On va faire comme si, mise en scène, d'accord, OK? Les gens qui nous écoutent savent aucune idée de ce qui est Johnny 5, ils veulent savoir qu'est-ce que c'est. On va l'entendre tantôt, mais parle-nous un petit peu du groupe. En fait, le groupe, c'est très, très simple. C'est sûr qu'on est un nouveau band. Fait que je peux comprendre les gens. Souvent, c'est un petit peu plus urbain en ce moment comme phénomène, si on peut dire. Donc, Johnny 5, c'est vraiment trois gars qui ont une formule un peu spéciale. Donc, moi, je suis à la guitare acoustique au chant, à l'avant. Puis j'ai mes deux super collègues qui sont au clavier. C'est comme une espèce de formule un peu... électro-trashy, en fait, on mélange un peu les genres pour que ça fasse pas nécessairement du DJ ou quelque chose comme ça. Ça sonne pas nécessairement formule électro de ce qu'on est habitué de voir habituellement. Il n'y a pas de laptop, il n'y a pas de séquenceur puis un paquet de trucs. La majorité des trucs sont tous faits live. Puis ce qui fait nos beats en show, c'est vraiment un vieux synthé qui date à peu près des années 90, mais qui, mon Dieu, ma foi, sonne extrêmement bien. Donc, on le garde pour l'instant. C'est sûr qu'on a acheté une machine à 1000$. Le temps qu'on s'aperçoive que finalement, c'est dur à setter toutes ces affaires-là, le temps qu'on apprenne à s'en servir. C'est ça, on vient vraiment du rock. Hein? Fait que sinon, on n'est pas vraiment des électros profonds. Là. C'est, quand on vient voir un show de Johnny 5, on vient voir une espèce de show qui déplace de l'air solide quand même. Ça fesse. C'est ça, dans le fond, ça fesse. Bon, c'est un bon départ quand même. Ben, je pense que oui. Bien oui. Puis tantôt, tu nous disais que vous étiez nouveau dans le monde de la musique. Ça fait combien de temps un peu que Johnny 5 est un peu dans le milieu? Ben, Johnny 5, pour être très franc, Johnny 5 a commencé sa carrière il y a environ un an, tout ça, peut-être un petit peu plus. Le projet à lui-même, au début, c'était moi et Charles, un de mes meilleurs amis d'enfance, les claviéristes, qui ont parti ça comme dans un... On a parti ça dans un local de pratique parce qu'on était respectivement dans d'autres bands depuis quand même longtemps. On joue de la musique, nous autres, depuis qu'on a l'âge de 12 ans. Donc, ça faisait très longtemps qu'on est dans le milieu de la musique, puis que là, on a décidé de faire un espèce de projet à côté qui, comme ça arrive extrêmement souvent, est devenu le projet numéro un. Puis finalement, ça a comme un peu explosé, d'où la signature qu'on a eue avec Taka tout récemment. Et puis tout ça, on est vraiment très content que ça se soit déroulé de cette façon-là. Mais c'est encore mieux quand c'est des surprises un peu qui t'arrivent comme ça dans la vie. Ben oui, effectivement. Et puis moi, j'ai une petite question peut-être un peu plus bizarre. on vous appelle Johnny 5, mais vous êtes 3. Alors, pourquoi le 5? En fait, c'est une référence, ben gros, à la figure emblématique électronique, si on veut, un peu la plus cheap qui existe, mais la plus sympathique. C'est le robot de cœur-circuit, le fameux film des années 80. C'est sûr que, bon, moi, j'étais déjà très jeune, à 26 ans, quand c'est paru, mais je me souviens très bien de ce film-là. Puis ceux qui ont connu un peu l'époque des films 80, un peu cheesy, ont connu l'époque cœur-circuit. Donc, c'est un petit robot fort sympathique qui avait été conçu au début pour la guerre, qui était vraiment comme froid, sans émotion, qui a été frappé comme par la foudre, puis est devenu avec une âme humaine. Fait que Johnny 5, comme il s'appelait comme ça, puis nous, on fait souvent le parallèle avec le fait qu'on est comme des anciens, comme grunge-ounais un peu, qui se sont lancés dans quelque chose de nouveau. Fait qu'on a comme été frappé par la foudre de l'électronique. Fait que on s'est comme fait un petit parallèle entre le film puis notre band, en fait. C'est pour ça qu'on explique le nom Johnny 5. Puis bon, ben, moi, je m'appelle Jonathan. C'est mon pseudonyme, Johnny. Au début, c'était un projet qui était peut-être un petit peu plus centré sur une carrière solo de ma part, puis finalement, on a tellement trippé en trois à le faire que c'est devenu un collectif. Donc, c'est un peu pour toutes ces raisons-là qu'on s'appelle Johnny 5. En fait. Il y a tout un gros concept, un gros sketch autour de votre groupe qui est un petit peu expliqué, si on veut, ou en tout cas mis en image dans votre vidéoclip pour comment ça va, Mark Hamilton. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le clip, comment ça a fonctionné, c'est quoi ce clip-là? Je le trouve vraiment bon. Ben, en passant, merci beaucoup. Il y a des gars qui ont travaillé super fort là-dessus, dont Dan Fumaria, c'est un excellent réalisateur qui travaille avec les Locaux Locas, qui est dans 4 Burglars en passant. C'est toujours bon une petite plug parce qu'il a vraiment travaillé fort avec Simon Dauphin, qui est le frère, en fait, de Charles, comme je l'avais dit, que Simon, je le connais depuis très longtemps. Quand Johnny 5 est arrivé dans une formule beaucoup plus restreinte que ce qu'on connaît aujourd'hui, lui, ça y a tout de suite comme donné des espèces d'idées dans sa tête. C'est un grand dessinateur, Simon. Puis quand il nous a vus avec nos photos qu'on avait pris comme une espèce de shooting weird, lui, il a comme imaginé tout ce concept-là un peu électro-futuriste, mais en même temps, c'est comme rétro 80. Puis à partir de ce moment-là, on dirait que toute l'âme, en fait, du band a vraiment pris comme naissance. Ça nous a vraiment nous-mêmes donné une espèce de second souffle, à savoir qu'est-ce qu'on était pour faire avec cette espèce de groupe-là. Fait que... Il a vraiment aidé à construire tout ça. Puis bon, ben comme on avait déjà ce filet-là, quand on est arrivé avec Dakov, tout ça, eux autres, ils ont trippé aussi sur l'idée des personnages animés, d'où on est sorti cette espèce d'idée de clip animé avec les personnages qu'on a créés à partir presque du jour 1, là, quand le groupe s'est formé. Et on vous voit nu dans le clip, presque. Fait que ouais, ben, faut le voir pour ça. Effectivement, ben ça, c'est... En tout cas, habituellement dans les shows, je finis pas mal tout le temps comme je suis dans le vidéoclip. Ah, c'est intéressant. Je pense que c'est de gagner une nouvelle fan. Ouais, moi je finis. En fait, au début, c'était vraiment. C'était pas vraiment un stunt, plus que souvent il fait vraiment, mais vraiment chaud. D'ailleurs, au FME, en fin de semaine à Rouen, dans le bar, c'était à la limite du supportable avec les spots et tout ça. Donc, non, c'est. C'est sûr que c'est un petit clin d'œil, c'est cool dans un clip. Il n'y a pas grand monde qui ont le gars d'aller se mettre en bobette puis en bas, surtout des fois avec une brassière, comme on a pu le voir du côté de mon chum Charles. Mais non, c'est sûr que ça peut être très drôle en même temps. Puis est-ce que vous pensez venir nous rendre visite dans la petite ville de Trois-Rivières prochainement? Bien sûr, en fait, on va être là jeudi prochain, en fait, pour le spectacle à rentrée du PTR. Ouh! Et oui, on sera à la Chasse-Galerie, on va aller rocker la place solide, parce que moi, je me suis fait dire que sincèrement, à Trois-Rivières, quand ça fête surtout pour les rentrées d'université, rentrées de cégep et tout ça, fait que j'ai bien hâte d'aller, parce qu'en show, Johnny 5, c'est solide, là, on se pitch partout, on aime bien faire des shows, ça paraît bien gros, fait que souvent, les gens entendent ce qu'on fait, sont pas sûrs parce qu'ils disent « Ah, ben là, c'est 3-4 gars là, qui sont dans leur tête, là, avec des projections, puis des laptops, nous autres, ça nous intéresse pas. Non, il faut vraiment pas avoir ça dans l'idée, parce qu'on est vraiment des anciens du grunge, puis de l'alterno, fait que quand on est sur le stage, ça revient très, très, très rapidement à nos racines. » En tout cas, j'en doute pas qu'on va vous montrer qu'on est une bonne ville qui fête pas mal. Puis, en fait, t'entendre parler, je pense que... moi, je trouve ça très intriguant. C'est sûr que je vais être de la partie jeudi prochain. Ça m'intrigue. Je suis sûre que ça va être très, très, très bon. Écoute, on va être là, d'ailleurs. Parce que d'après ce que j'ai entendu dire, je veux dire, c'est tout le monde de l'université et tout ça qui sont invités, mais je pense que c'est quand même une invitation générale à tout le monde. Ouais. Je sais pas s'il faut dire aux gens, mais habituellement, je pense pas qu'il y ait de problème si les gens veulent venir nous découvrir tout ça. Il faut pas penser non plus. Je pense que c'est uniquement un show pour l'université. À moins que je me trompe, mais d'après moi, c'est quand même ouvert généralement au public. Moi, je pense que tu as raison. Donc, ça, c'est le 13. C'est bien ça. C'est le jeudi qui s'en vient. Jeudi, le 13 septembre. C'est à la Chasse-Galerie. Exactement. De l'UQTR. D'accord. On sera là. Pour terminer l'entrevue, est-ce que tu veux nous choisir une pièce de l'album de Johnny 5 qui vient tout juste de sortir il y a quelques jours / semaines à peine? Oui, ben l'album n'est pas encore sorti, en fait. Ah bon, tu vois. J'essayais de me sortir de ça en disant n'importe quoi, mais bon. Non, mais c'est pas grave. Écoute, on a fait un petit lancement pour les singles, comment ça va, Mark Hamilton, en fait. Ouais. Puis là, il y a le vidéo qui sort. Puis l'album, lui, ben il va être disponible dans tous les magasins le 18 septembre. Et nous, on fait le lancement à Montréal le 17. C'est à l'Académie Club. Pour les gens qui connaissent, ceux que ça leur tente d'ailleurs de se joindre à nous pour cette soirée-là, il n'y aura vraiment pas de problème. Ça va être un gros party. C'est comme un lancement spectacle. C'est une formule qui est un petit peu souvent oubliée maintenant, là, mais ça devrait être très, très cool aussi. Génial. Est-ce que tu veux choisir la petite pièce qu'on va passer tout de suite à l'instant? Ben écoute, moi, j'irai avec comment ça va, Mark Hamilton, qui décrit bien en ce moment un peu la vibe là, qu'il y a alentour de nous. Comme ça, les gens, quand ils vont aller voir le vidéoclip sur Internet, ben, ils vont pouvoir se replacer un petit peu. Ils seront pas mêlés. Ils vont tout comprendre. Merci beaucoup, hein? Ben, merci à vous. On va être là au spectacle le 13 septembre. Jonathan de Johnny 5 est avec nous. Merci encore. Comment ça va, Mark Hamilton? J'entends qu'on t'a moqué les âges. Comment ça va, Mark Hamilton? J'entends qu'on t'a moqué les âges. Comment ça va, Mark Hamilton? Ça va, Mark Hamilton, est-ce que ta voix encore résonne? Et tu as merde de ton succès qui ne t'a porté que des regrets? Ou si tu recommencerais, dis-moi. Ou si tu recommencerais, dis-moi. Le show business t'a repoussé, dans le jeu tu n'es pas entré. On s'est amusé à te faire tomber, ça t'a pratiquement tué. Les blesses sont-elles refermées, dis-moi. Je sais pas. Les blesses sont-elles refermées, dis-moi. Comment ça va, Mark Hamilton? J'entends comme ta voix qui résonne. Comment ça va, Mark Hamilton? J'entends quand ta voix qui résonne. Comment ça va, Mark Hamilton? J'entends quand ta voix qui résonne. Comment ça va, Mark Hamilton? J'entends quand ta voix qui résonne. Ce monde

there's no climax, no more new territory. So pull away your max. In the slot that you sliced through the scene, there was no shyness. In the plot that you passed through your teeth, there was no pity, no fate. It still begins on a kid in the big city. And no cut to a costly parade, that's for him only. No dissolve to a sliver of prey, that's his new lady. Where she glows just like grain on the flickering pain of some great movie. Hey, watch it! It's not haunted. It was your heart hurting, but not for too long, kid. In the socket you spin from with ease, there is no sticking. From the speakers your fake masterpiece comes serenely dribbling. And when the air around your chair, Kerrville River avec la 7e position anglophone Our Life Is Not A Movie Or Maybe qui remonte de 5 places dans les palmarès. C'est fou, leur album c'est The Stage Names. Juste avant c'était du côté francophone OK Volca avec Imaginaire Incontournable, elle est en 7e stable, voilà. Mais avant ça on a sauté par-dessus plusieurs pièces, donc permettez-moi de faire un petit résumé de ce qu'on a raté. En 11e position anglophone c'est The Details avec Reunion Souvenirs. En 10e c'est Hot Little Rocket avec Like Killers. En 9e Girl Nobody avec Balaclava Casino Heist. Et en 8e, c'est Symphony X avec Eve of Seduction. Du côté francophone, on a raté la 12e, Olinéa avec Les Hostilités. En 11e, c'est Matt Fuzz et son Game Boy avec Montréal en canicule. En 10e, Plasticine et la règle du jeu. Et en 9e, c'est Johnny 5 qu'on a entendu avec Comment ça va Mark Hamilton, suivi de la 8e, c'est La Baroque Machine avec Pas de tes affaires. Voilà, on est rendu à nos 6e position pour terminer cette première heure de l'émission. Du côté anglophone, c'est Percy Farm avec The Hour End. Mais avant, voici Jacques Maure et Brise Glace, remontée de 2 places. Vous écoutez les palmarès, c'est fou, l'émission de la musique de demain, aujourd'hui, au 89.1 FM. C'est son noir, mal à fleur. Percy Farm avec The Hour Hand, remontée de 3 places en 6e position anglophone. Juste avant, c'était la 6e francophone, remontée de 2, Jacques Mare et Brise Glace. Faisons un petit résumé, vu que c'est la fin de la première heure de tout ce qu'on a entendu depuis le début et ce qu'on n'a pas entendu aussi. En 15e anglophone, Hot Springs, 14e Figurines, 13e The Old Soul, 12e New Pornographers, 11e The Details, en 10e c'est Hot Little Rocket, 9e Girl Nobody, 8e Symphony X, 7e OK Curl River et la 6e c'est Percy Farm. Du côté francophone, en 15e, Tao Lee Combs, Alexandre Champignot en 14e et Pépé est en 13e. Tout ça, c'est des nouvelles entrées. Ensuite, en 12e, Olinéa, 11e, Matt Fuzz, 10e, Plasticine, 9e, Johnny 5, 8e, La Dark Machine, 7e, OK Volca et la 6e, c'est Jacques Mare. Dans la 2e et dernière heure des Palmarès C'est Fou, on va entendre les positions 5 à 1. On va entendre des artistes tels que les Amis au Pakistan, qui était notre numéro 1 francophone la semaine dernière. Aussi les Prostitutes, Mick est tout seul, Tricot Machine, The Brick, United Steel Workers of Montreal, The Polyphonic Spree, Interpol, Corpy Clanny, Bad Religion, tout ça et l'animation de Mathieu Plante. Vous écoutez les Palmarès C'est Fou, 89.1 FM, restez là. À partir de 19h, c'est la première de la nouvelle saison de La Sécheuse avec DJ Shuffle. Ensuite, à 20h, c'est la dernière porte à gauche avec notre bon ami Key One. À 21h, le Mephisto Show. Et à 23h, c'est Electrochoc. Pourquoi ne pas rester sur les ondes de C'est Fou, la radio campus de Trois-Rivières. Bon retour, c'est la 2e heure des Palmarès C'est Fou pour la semaine du 7 au 13 septembre 2007. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette 2e et dernière heure des Palmarès C'est Fou, on va entendre les positions 5 à 1. Hein, pourquoi pas, des artistes tous meilleurs les uns que les autres, jusqu'au sommet. Hein? C'est comme ça qu'on fait ça, les Palmarès C'est Fou. C'est comme un genre de... C'est comme un décompte, on pourrait dire. Certains diraient un décompte. Certains diraient quelque chose d'autre, j'imagine.

Ça donne envie de chanter, ça, c'est tellement bon. The Polyphonic Spree avec Running Away en position numéro 4, remontée de deux places. Leur album s'appelle The Fragile Army. Juste avant, c'était Trico Machine avec l'ours qui descend d'une place, malheureusement. Trico Machine qui est en spectacle ce soir, si vous écoutez en direct, le vendredi 7. Ils sont au Café Foin Fou de Champlain ce soir. Malheureusement, je ne serai pas, mais quand même, ils sont là. Je les ai déjà vus en spectacle, ils sont absolument géniaux. Je vous conseille fortement ça, Café Foin Fou à Champlain. Voilà. On est rendu à nos troisième position, mais avant de continuer avec ça, regardons un tout petit peu ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Tantôt, on a fait le top 10 électronique et le top 10 loud. Maintenant, c'est le top 3 des disques canadiens et le top 30 des albums. Donc, au Canada, selon C'est Fou, en troisième position, c'est stable pour une troisième semaine, Artist of the Year avec Wreck la discothèque. En deuxième, c'est aussi stable, National Parks avec Timber Vision. Et en première, c'est tout aussi stable, deuxième semaine de présence, United Steelworkers of Montreal avec Kerosene and Coal. Côté du top 30 des albums, quelques petites nouvelles entrées. En 30e position, Parlor Steps avec Ambiguoso. Ensuite, on remonte en 12e, Hot Springs avec Volcano. En 11e, c'est Figurines avec When the Deer Were Blue. Et en 10e, c'est New Pornographers avec Challengers. Toutes des pièces qu'on a entendues en début d'émission dans nos nouveautés au palmarès. Top 3, remontée de deux places pour The Polyphonic Spree avec The Fragile Army. En deuxième, c'est l'ancien numéro 1 de ce top 30 des albums, Interpol avec Our Love to Admire, 6e semaine. Et en première, remontée d'une place, 14e semaine de présence sur le top 30 pour United Steelworkers of Montreal avec Kerosene and Coal, qui est aussi le numéro 1 du top 3 des disques canadiens. Donc ça va très bien pour ce petit groupe comme ça. C'est tellement bien, j'adore ça. Troisième position anglophone, c'est Korpiklaani avec Let's Drink. Mais tout de suite, voici les amis au Pakistan. Et mon soldat de plomb, l'ancien numéro 1 francophone. On a un nouveau numéro 1. C'est tellement excitant, non? Vous écoutez les palmarès, c'est fou, 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Impossible. 89.1. La dissidence d'aujourd'hui, la radio de demain. Clanny avec Let's Drink en troisième position anglophone, ça remonte de 5 places. Et juste avant, c'était les amis au Pakistan du côté francophone, l'ancien numéro 1, Mon Soldat de Plomb. Leur album, c'est Espace Libidinal. Avant de continuer hein, avec nos positions numéro 2 et position numéro 1, on va prendre une petite pause et revenir en arrière aux positions numéro 8. Mais avant de faire ça, regardons un petit peu ce qui se vend le plus cette semaine au Canada. En fait, pour la semaine qui se termine le 6 septembre 2007. Quelques nouvelles entrées. En 23e position, Collective Soul avec Afterwards. En 22e, Lorena McKennett avec Nights from the Alembic. En 21e, Atreyu avec Lead Sales Paper Anchor. Voilà. 7e position, Kaelin Porter avec Wake Up Living. Ensuite, le top 3, nouvelle entrée. En 3e, Ben Harper avec Lifeline. En 2e, c'est Marie May avec Dangereuse Attraction. Et le numéro 1, c'est Stable. Ça fait 3 semaines que c'est là. Et c'est la trame sonore du film High School Musical 2. Voilà. Côté des pièces les plus téléchargées sur iTunes. En 5e position, c'est Colby Kaya. Voilà, Kaya. Je devrais peut-être me renseigner sur les prononciations des noms. Avec Bubbly. En 4e, c'est Sean Kingston avec Me Love. En 3e, Rockstar de Nickelback. En 2e, c'est How Far We've Come de Matchbox 20. Et en 1ère, c'est Crank That de Soulja Boy. Tell Him. Voilà. Je disais qu'on allait faire une petite escale, un petit détour avec nos 8e positions. On va l'entendre du côté anglophone Symphony X avec Eve of Destruction. Mais tout de suite, voici la 8e francophone, la Baroque Machine et Pod des Affaires. Comme dans iPod, on vient de parler d'iTunes. Le lien est là, fallait y penser, il est là. Vous écoutez Les Palmarès, c'est fou, l'émission de la musique de demain. C'est 89.fm. Vaisseau que l'on t'a Au retour, Symphony X et nos deux premières positions au palmarès, c'est fou. Au retour, première position, et nos deux paraissent c'est fou. Non, au panneau. Première position. Au retour, arrête, c'est fou. C'est nos deux positions au panneau. We'll be right back. Symphony X. Première position. Arrête, c'est fou. Au retour, c'est nos deux premiers au Panama. Première position. Arrête, c'est fou. Au retour, c'est nos deux premiers au Panama. Position anglophone remontée de 4 places juste avant, c'était la 11e francophone. Matt Fuzz et son Game Boy avec Montréal en canicule. On a pris un petit détour comme ça avec mon 11e et 8e position. Maintenant, c'est l'heure de retourner à ce qu'on fait de mieux, hein,

Les numéros 2 anglophones de cette semaine. L'ancien numéro 1 anglophone, malheureusement pour Interpol, avec The Irish Maneuver, 6e semaine de présence. Juste avant, c'était Mick et tout seul avec Je te jure, qui remonte de 2 places, 4e semaine. L'album, c'est Les Chansons Perdues. Il nous reste seulement les numéros 1. Les choses vont tellement vite, ça avance. À 19h, restez là parce que c'est la sécheuse. Ensuite, à 20h, Key One sera avec vous pour la dernière porte à gauche en direct les vendredis soirs, si vous écoutez à ce moment-là. Je parlais tout à l'heure de rediffusion pour les Palmarès C'est Fou cette semaine. Eh bien, je les ai devant moi. C'est mercredi le 12 septembre à midi et le jeudi 13 septembre à 13h si vous voulez réécouter les Palmarès C'est Fou. On aura l'occasion de le mentionner à nouveau tantôt. Alors qu'on s'en va entendre à l'instant nos premières positions. Je ne les nomme pas, évidemment, mais vous savez que j'aime vous agacer avec ça parce que je suis un petit peu dans la vague. Tu sais, je suis jeune, fait que je suis comme un enfant dans la vague, hein? Et puis, je sais pas. Montréal, c'est une belle ville aussi. Ouais. Il y a des banques là-bas, je pense. got deep scissors and a brand new high grip name and a wire. Always think at home on a rim and a tire. See fire fly falls, red stripe, thank God for that rusty old kitchen knife. Jack pulled out, heaved in the ditch. Slap me on the wheel, call me son of a bitch. I got dust clouds on the back of my brain. Necks and backs all racked with pain. Slow down banks and the wrong man playing. I can't remember last time it rained. Names come out in the press. Who's in the wiser in the wrong guess? I'm a first-hand gun man. What a story told by a friend of Ted Helps and Jim Lobby. United Steelworkers of Montreal avec Small Town Banks, c'est notre numéro 1 anglophone en remontée d'une place. Mais avant de résumer ces choses-là, faisons un petit résumé de ce qu'on a entendu depuis le début de la deuxième heure. Commençons avec, tiens, les sixièmes positions. Du côté anglophone, Percy Farm avec The Hour End. En cinquième, Bad Religion avec Heroes and Marchers. En quatrième, The Polyphonic Spree avec Running Away. En troisième, Corpy Clanny avec Let's Drink. En deuxième, l'ancien numéro 1, Interpol avec The Irish Maneuver. En première, c'est United Steelworkers of Montreal avec Small Town Banks. Du côté francophone, le sixième, c'est Jacques Mar avec Brise Glace. En cinquième, la pilule de The Brick. En quatrième, l'ours de Tricot Machine. En troisième, l'ancien numéro un, Mon soldat de plomb des amis au Pakistan. En deuxième, c'est Je te jure de Mick et tout seul. Et le numéro un, on vient d'entendre, c'était New Wave Kids des prostiputes. C'est la fin, malheureusement, des Palmarès Ifou pour cette semaine parce qu'on est rendu en format de 2 heures pour ceux qui ne sont pas au courant. Moi, je vous retrouve à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. C'est les lundis de 11h à 13h en rediffusion, les jeudis à la même heure. Dans La Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Ça, c'est en direct les vendredis matin à 10h. Les Palmarès Ifou sont toujours en direct les vendredis soirs à 17h et en rediffusion. Cette semaine, c'est mercredi le 12 à midi et jeudi le 13 à 13h. Voilà qui fait le tour pour ça. On se quitte sur un vieux classique, ce qu'on appelle notre succès old school de la semaine, c'est Majestic 12 avec Thank God Everything on TV is a Lie, qui était sur nos palmarès circa août 2006. Hein, c'est quand même un an de ça. C'est pas vieux quand même, c'est old school, oldish school. Voilà. De la part de Cynthia Paquette-Grenier. Et de moi, Mathieu Plante, je vous souhaite une très très bonne semaine. La semaine prochaine, toujours de 17h à 19h les vendredis soirs. Kiwan suit à 20h, mais d'ici là, c'est la sécheuse à 19h qui commence avec DJ Shuffle. Je m'appelle Mathieu Plante, je suis en train de vous dire au revoir. Au revoir. Our future as a global force depends on our sobriety. Pornography corrupts us, it makes us less than pure. And if everyone found Jesus, all those fags would have a cure. If you don't support our president, you don't support our nation. Intelligent design is not just bullshit for creation. We don't assume you're guilty just because you're born black. And we're winning hearts and minds with every bullet in Iraq. Democracy's a fraud, and you really must be stupid if you think that there's a God. If you're straight, white, and male, you are the lord of the dominion. You were born as an oppressor with no right to an opinion. If you build it, we will burn it. Eating meat is murder. Agree with everything we think or be branded a deserter. We own the moral high ground, we are freedom when it rings. A fetus and a baby are completely different things.